طيب on commence. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc pour commencer, juste avant de rentrer dans le livre tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste revenir sur certains points des questions que certains frères avaient passées la dernière fois. Premièrement, au sujet du hadith que le frère avait demandé. Il avait demandé l'origine ou la source du hadith au sujet des trois questions que les anges viennent poser à la personne lorsqu'il est posé dans sa tombe, c'est-à-dire les questions des deux anges qu'on appelle Munkar et Nakir. Eh bien, c'est basé sur un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, c'est un hadith authentique. Et la dernière fois, donc, j'avais pas je me souvenais plus de la référence. Aussi la question au sujet des œuvres des mushrikines et des kuffars et du fait que, toute personne qui n'est pas sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui n'a pas adoré Allah seul, c'est-à-dire qu'il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, il a pris des associés, des partenaires ou des intermédiaires dans son adoration, on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas accepter ses œuvres au jour de la résurrection. Et justement à ce sujet-là, j'ai ramené une série de versets tirés du Coran qui confirme ce principe, hein, et qui le clarifie avec environ 16 versets sur le sujet. Donc, juste pour vous en donner quelques-uns, par exemple, le verset 18 dans Surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre, violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Cela est l'égarement profond. Allah dit aussi, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Ça c'est le verset 23 dans Surat Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'ida le verset 5, et quiconque abjure la foi, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. C'est-à-dire celui qui abjure la foi, alors vaine devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et le verset 1 dans Surat Muhammad, et ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, leurs œuvres, hein, il a rendu leurs œuvres vaines. Hein. Et ainsi de suite. Comme ça, il y en a encore 16 dans le même sens que ça. Et il y en a d'autres plus spécifiques, comme par exemple le verset qui dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire, il a été révélé à toi, c'est-à-dire à toi Muhammad, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui ont vécu avant toi et qui sont venus parmi les prophètes avant toi, que si tu commets un acte de shirk, ou si tu fais le shirk, c'est-à-dire tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala en adorant d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tes œuvres seront rendues vaines. Voilà, takunanna min al-khasirin, et tu seras du nombre des perdants. Et malgré que ça s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on sait très bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est protégé contre le fait de commettre le shirk et contre le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un avertissement au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, si tu commets le shirk, toutes tes œuvres seront annulées. Toute ta prière, ton hajj, hein, ta salat, ta zakat, ton jeûne, tout ce que tu fais comme bonne action, ça n'aura plus aucune valeur au jour de la résurrection si tu commets le shirk. Donc c'est pour cette raison-là que les ulama ont expliqué et ont clarifié que, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ils ont expliqué et ils ont clarifié que si quelqu'un, par exemple, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah hein, » qu'il entre dans l'islam, puis que par la suite il commet des actes de shirk, comme par exemple il adore d'autres avec Allah, il adore des morts, il adore des tombes, il adore des saints, il adore des images, ou des statues, ou des arbres, ou il adore un prophète parmi les prophètes, hein, il lui offre des prières, il lui demande après sa mort, ou des choses de ce genre, eh bien, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait comme bonne action n'aura plus aucune valeur après ça, puisqu'il a commis un acte de shirk. Et qu'est-ce que cette personne-là doit faire? C'est qu'elle doit renouveler son islam, et se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et reprononcer encore son shahada en revenant sur le shirk qu'elle a commis, pour être encore une fois reconsidéré comme étant un vrai musulman ou un vrai croyant. Donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui détermine l'islam? C'est pas seulement les il faut pas croire comme certains s'imaginent parfois que le plus important dans l'islam c'est de faire la salat ou la zakat ou le hajj ou le jeûne ou les autres aspects ou s'écarter du haram, parce qu'il y a beaucoup de musulmans par exemple à notre époque, ils vont se concentrer sur ça quand ils parlent aux musulmans, ils vont se concentrer sur le fait de dire il faut s'écarter du haram, il faut s'écarter du zina, il faut s'écarter du riba, il faut s'écarter du mauvais comportement, il faut se concentrer sur l'obligation de la salat, l'obligation du hajj, l'obligation de la zakat, ainsi de suite, et les autres obligations de l'islam, la bonté envers les parents et tout ça. Mais il faut comprendre que si on n'a pas bien compris notre tawhid, la base de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité dans la foi, qu'on croit uniquement à Allah et qu'on adore uniquement lui seul, sans rien associer avec lui, et qu'on n'a pas compris le danger du shirk et qu'est-ce que ça représente, eh bien, toutes ces bonnes œuvres-là n'auront pas de valeur au jour de la résurrection. Donc ça veut dire, la priorité pour le musulman, c'est de bien étudier et de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie le tawhid. Hein? Et c'est pas quelque chose d'aussi banal comme certains s'imaginent. Il y en a qui disent ah ça c'est compris, ça il y a un seul Dieu et tout. Pourtant comment, si c'est le cas, si c'est si facile et si c'est si banal comme certains se l'imaginent, pourquoi dans les pays musulmans, dans certains pays musulmans, chaque année il y a des millions de gens qui vont faire des pèlerinages à des tombes et qui vont les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est juste un exemple pour faire comprendre que même si c'est la base de l'islam, même si c'est le premier des piliers de l'islam et le premier des piliers de la foi, il a été mal compris par un grand nombre de musulmans dans le monde aujourd'hui. Et donc beaucoup de gens qui vont dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », ils ne savent pas ce que ça signifie et ils ne le comprennent pas correctement. Hein? Donc on va, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va comprendre, inshallah, un peu plus cette signification-là. Donc, au dernier cours, on s'était arrêté à un endroit où, parce qu'aujourd'hui c'est le cours numéro 2, donc on s'était arrêté à l'endroit où on expliquait un peu de la vie de l'auteur de ce livre, Al-Usul al-Salata, c'est-à-dire le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et on a expliqué que, il avait eu beaucoup d'opposition durant sa vie, que beaucoup de gens avaient été contre la da'wah qu'il a fait après avoir étudié l'islam et après avoir appris les bases de la religion avec les ulama dans différentes régions du monde. Il a commencé donc à faire sa da'wah et à appeler les gens à l'application du tawhid, hein, et à combattre différentes manifestations de shirk qui existaient déjà à son époque dans sa région. Hein. Il y avait plusieurs tombes qui étaient par exemple adorées par des gens à son époque dans sa région, et il a condamné ces choses-là et il a critiqué les gens qui allaient faire ça. Hein. Et il a eu le support de certains des chefs de différentes villes à son époque qui l'ont supporté dans cette da'wah-là et qui ont fait par la suite justement que cette da'wah-là s'est propagée un peu partout. Mais d'un autre côté, comme on disait, il a eu aussi beaucoup d'opposition de la part de certains groupes d'égarements parmi les sectes de différents groupes musulmans. Comme par exemple, j'avais mentionné les Shia, Rafida, et j'avais mentionné les Soufiyas. Pourquoi? Parce que chez les Shia, parmi un de leurs principes fondamentaux, c'est il y a le fait d'adorer les tombes et de vénérer les tombes et de construire sur les tombes des mausolées et des mosquées et d'aller adorer les personnes qui sont enterrées dans ces tombes-là en disant qu'ils veulent seulement chercher un moyen de se rapprocher d'Allah par l'intermédiaire de ces hommes-là, comme si c'était des intermédiaires ou des intercesseurs. Et ça, c'était l'argument, le même argument qu'utilisaient les mouchriquins à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque de Noé, et à l'époque de, hein, parce que c'est à Noé que ça a commencé, on va y revenir là-dessus, mais c'est juste pour comprendre que, yani, ils utilisaient les mêmes shubuhat, les mêmes faussetés, les faux arguments pour essayer de défendre ces choses-là. Donc, les chiites, on le retrouve maintenant encore aujourd'hui, chaque année ils font des pèlerinages à Karbala, hein, et à Najaf, hein, ils pensent que c'est à ces endroits-là. Il y a des, par exemple, Al-Hussein, radiallahu anhu, qui a été enterré là-bas. Eux, ils font un pèlerinage là-bas, ils vont l'adorer en dehors d'Allah. La même chose que, c'est à Karbala. Puis à Najaf, ils disent que c'est la tombe de Ali, radiallahu anhu, qui est enterré là-bas. Et ils vont l'adorer aussi là-bas. Puis il y a beaucoup d'autres parmi leurs chouyours et leurs imams. Et c'est rempli comme ça. Et les chiites, même quand ils vont faire le hajj, par exemple, quand ils vont à Mecca et à Medina, leur hajj, c'est pas le même hajj que les musulmans. Eux, leur hajj, c'est basé sur aller visiter les tombes. Hein? Et ils passent leur temps autour des cimetières. C'est ça leur hajj là-bas. Et celui qui a accompli celui qui va là-bas ou qui va accomplir son hajj, qui observe les chiites, il va remarquer ça. Hein, et moi, étant donné que j'ai vécu à Médine pendant 3 années, j'ai eu le temps à chaque fois de les voir venir puis d'observer qu'est-ce qu'ils faisaient. Et c'est ça qu'ils font. C'est ça leur hajj, Allah al-Musta'an. Ils ont des cartes avec. Exactement. Donc c'est ça. Comme le frère il dit, il les empêche maintenant de faire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais donc, non, ça. En plus de ça, comme le frère il mentionne, il dit là, on les laisse pas faire tout ce qu'ils voudraient faire parce que sinon, c'est sûr qu'ils auraient transformé la Mecque et Médine comme des lieux d'idolâtrie. Mais aussi, en plus de ça, ils insultent les sahaba, les autres sahaba. Ça fait partie de leur religion de les insulter. Et malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, avant sa mort, il a mis les musulmans en garde. Et il leur a dit, hein, lorsque une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'était Umm Salama, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant sa mort, que quand il était en Éthiopie, elle a vu dans les églises, elle a vu que, plutôt que dans les endroits, dans les tombes où les gens avaient, en Éthiopie, enterré leurs hommes pieux et leurs prêtres ou leurs moines ou je sais pas quoi, ils avaient dessiné des dessins de saints ou d'hommes pieux là-dedans à l'intérieur, des icônes ou des trucs comme ça. Puis elle a mentionné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle avait vu, les statues et les images, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux-là, hein, أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Ça, c'est dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu son épouse qui a dit ça, il a dit, ces gens-là, lorsque un homme pieux meurt parmi eux, ils font à l'intérieur sur leur tombe, ou ils bâtissent à l'intérieur de leur tombe ces genres de dessins ou ces genres de statues. Et il a dit, ceux-là sont les pires créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, il a dit, La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara, ittakhazu qubura anbiya'ihim masajid. Hein? Il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière ou des lieux de culte, des lieux d'adoration. D'accord? Donc ça, c'est pour expliquer que ça, c'était quelques jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Quelques jours, peut-être 5 jours avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure. Il disait ça, Aïcha radiallahu anha, elle dit, il a dit ça pour mettre en garde les musulmans pour pas qu'ils fassent la même chose que qu'est-ce que les juifs et les chrétiens ont fait. Donc ça, c'était pour les avertir. Hein? Barakallahu fik. Exactement. Le prophète, comme le frère il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qila, al-yahud wa al-nasara, ya Rasulallah, qala faman. C'est-à-dire, vous allez suivre les exemples des gens qui vous ont précédé parmi les nations, pas à pas. Jusqu'à ce que, même s'ils décidaient de rentrer dans le trou d'un lézard, vous voudriez les suivre à l'intérieur. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Il a dit, qui d'autre? C'est-à-dire, il met en garde la Ummah, il met en garde la Ummah contre le fait de suivre les juifs et les chrétiens dans leurs passions, dans leurs désirs, dans leurs fausses croyances, dans leurs fausses pratiques, qui sont en contradiction avec l'islam. D'accord? Et, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit comme prophétie au sujet du fait que des musulmans allaient suivre les juifs et les chrétiens? C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui à notre époque, puisqu'on constate que les musulmans, en grande partie, beaucoup d'entre eux suivent les juifs et les chrétiens. Mais heureusement, alhamdoulilah, il a dit « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khazalahum » ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. C'est-à-dire il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui s'opposent à eux ou qui les critiquent et ceux qui les abandonnent ne pourront rien leur faire comme tort. Et ils resteront comme ça jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire à toutes les époques, dans tout endroit sur terre, il y aura toujours un groupe de musulmans qui va suivre le haq, qui va suivre le vrai islam, le Coran et la sunna, selon la façon que les sahaba l'ont compris et comment ils l'ont appliqué, jusqu'à la fin des temps. Donc, tout ça c'est pour expliquer que ça c'est le premier groupe. Puis ensuite, il faut comprendre que l'adoration des tombes s'est introduite dans les pays musulmans par l'intermédiaire des rafidah. C'est eux qui ont introduit cette innovation, cette bid'a dans la umma. Puis, les Ismaélites aussi en Égypte, c'est eux qui ont commencé à construire ces tombeaux et ces mausolées et ces dômes sur les tombes des hommes pieux, en disant que c'était pour leur montrer du respect et pour les vénérer et pour les honorer. Et tout ça en contradiction avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis par la suite, les gens qui ont pris ça, parmi ceux qui se disent faire partie des sunnites, il y a eu les soufis. Ils ont pris ça des chiites et ils l'ont propagé dans tous les pays sunnites, dans les pays musulmans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la majorité des pays musulmans, peu importe où vous allez, que ce soit dans le nord de l'Afrique, à l'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, en Asie, peu importe où vous allez, vous trouvez des gens qui ont construit ce genre de tombeaux sur les tombes et qui les vénèrent et des mausolées et qui font des pèlerinages à ces endroits-là chaque année et qui les vénèrent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les missionnaires chrétiens, quand parfois ils vont dans les pays musulmans, ils font des études ethnologiques ou bien des choses de ce genre, ils observent les pratiques des musulmans et ils utilisent ces genres d'arguments pour appeler des musulmans ignorants à rentrer dans le christianisme. Ils leur disent, vous priez un tel saint, et un tel saint vous dites Sidi, ou bien vous dites Al-Wali Fulan, ou bien Sidi Fulan, vous allez à sa tombe, vous lui demandez qu'il vous guérisse, vous lui demandez un enfant si vous n'êtes pas capable de procréer, ou vous lui demandez un travail, ou quelque chose comme ça, vous cherchez la baraka sur sa tombe, et des choses de ce genre. Eh bien, faites la même chose avec Isa ibn Maryam, faites la même chose avec la mère de Isa, yani Maryam. Donc c'est des exemples de qu'est-ce qu'ils font comme shubhat pour attirer les musulmans à rentrer dans le christianisme. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre les musulmans qui connaissent pas le tawhid comme il faut, ils sont parfois trompés par ça. Et ils pensent qu'il n'y a pas de différence justement entre invoquer des saints ou bien même certains parmi les ignorants musulmans, parfois Allah musta'an, ou parfois c'est des ignorants, mais parfois c'est pas nécessairement des ignorants, parfois c'est des gens qui ont accepté le shirk dans leur cœur et ils pensent que c'est quelque chose qui est bien dans l'islam, même ils appellent à ça, et donc ils invoquent même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand ils ont des malheurs, ils l'appellent au secours et ils demandent son aide au lieu de demander au créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est du shirk. Hein? Ça, c'est de l'idolâtrie. Donc, c'est très dangereux et c'est très grave. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il a eu beaucoup d'ennemis, hein, ce cheikh. Et étant donné que ces gens-là pratiquaient ces choses-là, puis qu'ils n'aimaient pas se faire critiquer ou se faire réfuter sur ces questions-là, ils ont essayé de faire une sorte de campagne, disons, pour salir l'image ou la réputation de ce cheikh. Et donc, ils les appellent des wahhabiyyah. Et ils disent, faites attention aux wahhabites. Les wahhabites, c'est ceux qui, yani, ils font ci, ils font ça. Et souvent, si tu demandes à n'importe quel musulman, c'est quoi un wahhabi? C'est quoi les wahhabites? Il ne peut pas t'expliquer. Et si tu lui demandes, en quoi les wahhabites, ou le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a contredit le Coran et la Sunna, ils ne sont pas capables de ramener des explications détaillées ou des clarifications. Parce que la majorité d'entre eux, ils n'ont jamais lu un seul livre du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ils n'ont jamais entendu un savant qui clarifiait justement les livres de ce cheikh. Donc, les personnes qui ont ces préjugés-là ou ces idées-là contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils ont juste à se procurer ces livres. Comme par exemple le livre qu'on étudie maintenant, Al-Usul al-Thalatha. On va ramener la semaine prochaine des photocopies de la traduction de ce livre. C'est un tout petit livre. Chacun pourra lire pour voir par lui-même qu'est-ce qui est dedans. Et il y a un autre livre aussi qu'il a écrit qui s'appelle Kitab al-Tawhid. Et c'est des livres, quand tu regardes, c'est dedans, il n'y a que le Coran et la Sunna. Et rien d'autre. Hein? Et donc, une fois, il y a un cheikh comme ça en Inde qui il passait son temps à insulter le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab tout le temps. Et il disait toujours, celui-là, il n'est pas bon, et tout, et tout. Alors, un des élèves qui était assis avec lui, qui le connaissait bien, il a pris un livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et puis il a arraché la couverture sur laquelle il y avait le nom du Cheikh. Il a pris le livre, Kitab al-Tawhid, et puis il lui a donné à son Cheikh, pour qu'il le lise. Il dit, j'ai trouvé ce livre-là, et je voudrais que vous le lisiez pour savoir... est-ce que c'est correct qu'est-ce qui est écrit dedans? Et le cheikh, il a pris le livre, il l'a ramené chez lui, il est revenu le lendemain, il a dit, j'ai lu ce livre-là, c'est vraiment un livre excellent, un bon livre, franchement, j'aimerais bien savoir c'est qui a écrit ce livre-là. Et quand il lui a dit, c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, celui que tu insultes à chaque fois que tu parles de lui en mal, eh bien, à partir de ce moment-là, il s'est repenti d'avoir dit du mal de lui. Et au contraire, par la suite, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des du'as pour le cheikh. Et à chaque fois, il demandait pardon d'avoir dit des choses fausses contre lui. Donc, une fois qu'on a clarifié ça, on va continuer donc la lecture de la biographie, une courte biographie. Le cheikh dit, ولما توفي والده أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعو أهل البدع والغواية بالحكمة والموعظة الحسنة أن يرجعوا إلى طريق الهداية فأوذي أشد الأذى وصبر أجمل الصبر وشد أزره الولاة من آل سعود رحمهم الله كما هو مفصل في كتب ترجمته وقويت شوكته وذاع خبره وله مؤلفات نافعة منها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وأصول الإيمان والأصول الثلاثة ومختصر زاد المعاد ومختصر الإنصاف وكشف الشبهات وغيرها كثير. Donc le cheikh il explique, il dit que lorsque le père du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme on avait dit qu'il était né en 1115 de la Hijra, donc le cheikh par la suite, lorsque on a expliqué qu'il était parti étudier et tout, puis lorsque son père est décédé, son père qui était un des grands savants de la région à l'époque, eh bien il a commencé à appeler ouvertement à la da'wa des salaf, à la da'wa salafiyya. Et le terme salaf, ça signifie ceux qui nous ont précédés. Et quand on l'utilise dans le sens islamique, ça veut dire les sahaba et les tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba et les tabi'in. Ça veut dire les élèves des sahaba. C'est ça qu'on veut dire par le terme salaf. D'accord? Bon, disons que l'imam Malik et l'imam Shafi'i sont à la, disons, la troisième génération, ok, à la limite de la, de, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, c'est-à-dire la meilleure génération c'est ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les trois meilleures générations c'est ceux-là, donc l'imam Malik et l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed sont à la limite de ces trois générations-là. D'accord? Ils entrent dans la définition de ceux qu'on désigne comme étant des imams parmi les imams des salafs salih. D'accord? Mais ce sont pas les seuls. Il y en a beaucoup d'autres encore. Hein? Il y a les chouyoukhs de ces imams et les élèves aussi, leurs élèves aussi qui sont des grands savants. Hein? Barakallahu fik. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand on, quand on parle des salafs, on parle de ceux-là. Les premiers parmi les musulmans. Ceux qui ont il y a pris l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils l'ont transmis aux générations qui ont suivi par la suite tel qu'ils l'avaient appris, tel qu'ils l'avaient comprise et tel qu'ils l'ont appliqué à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tel qu'ils l'ont appris, ils l'ont transmis tel quel. D'accord? Et donc, il a commencé à appeler à cela ouvertement et à ordonner le bien et à interdire le mal et à inviter les gens de l'égarement et les gens de, qui ont dévié de la, du droit chemin et qui ont innové dans la religion avec la sagesse, avec la bonne exhortation, pour qu'ils reviennent au droit chemin, au chemin de la guidance. Et il a subi dans cette voie beaucoup d'offenses et beaucoup de difficultés. Les gens lui ont commencé à lui donner des problèmes. Et ça c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toute personne qui appelle au bien et qui appelle à la vérité. En commençant par les messagers d'Allah, ils ont toujours eu des épreuves et des difficultés avec leur peuple. Et la même chose pour les grands imams de l'islam et les grands savants de la religion et les grands imams, ils ont toujours eu des difficultés et des obstacles dans leur vie à certains moments. Et c'est pour ça donc, il a eu beaucoup d'opposition et beaucoup d'obstacles et il a été, il a beaucoup souffert, mais il a fait preuve de patience et d'endurance. Et à un certain moment donné, parce que il disait, il allait dans les différentes régions et dans les différentes tribus pour voir si un des dirigeants d'une ville, d'une d'entre les villes, allait le supporter, allait appliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, établir la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a entre un d'entre ces dirigeants là d'une ville qui avait accepté de le supporter au tout début, puis le cheikh il a commencé à faire appliquer la charia. Par exemple il a ordonné que une des tombes soit détruite, parce qu'on sait que on n'a pas le droit de changer un mal par nous-mêmes, par la force ou par la main, si on sait que ça va ramener des conséquences négatives plus grandes. D'accord? Donc ça fait partie des règles pour ordonner le bien et interdire le mal. Il y a des conditions. C'est que si tu sais que tu vas vouloir interdire un mal ou changer un mal, mais que ça va ramener une conséquence plus grande dans le mal que celle que tu veux enlever, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le changer. Donc le cheikh, avant d'avoir un support de la part d'un des responsables de la région dans sa ta'wa, il voyait les gens aller aux tombes et il pouvait rien faire. La seule chose qu'il faisait, il passait devant eux et il leur disait « Allah est meilleur que ce mort. Hein? » C'est-à-dire « Allah est meilleur que lui. Pourquoi tu ne demandes pas à Allah ?» C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Mais lorsqu'il a eu le support du dirigeant de cette ville, il lui a dit qu'il fallait détruire ou enlever le tombeau qui était construit par-dessus sa tombe. Parce que c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de faire. Et donc, le dirigeant de cette région a éliminé ce tombeau. Et il l'a nivelé au niveau du sol, comme c'était ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné à Ali, radiyallahu anhu, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, selon Abil Hayyaj, il a dit que Ali, radiyallahu anhu, m'a envoyé dans une mission dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé lui auparavant, c'est-à-dire durant sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Ali radiyallahu anhu pour niveler tous les tombeaux surélevés et pour détruire toutes les images et les statues qu'il trouvait. Donc il l'avait envoyé dans cette mission-là. Et Ali, radiallahu anhu, plus tard, quand il était le khalifa, il a ordonné à ce sahabi d'aller dans une mission pareille, d'aller faire ce genre de choses-là, d'aller niveler les tombeaux et d'aller détruire les images et les statues. Donc, il l'a détruite. Et par la suite, il y a une femme qui avait commis l'adultère, qui est venue voir le cheikh. Et elle lui a dit, j'ai commis l'adultère. Alors le cheikh, il l'a renvoyé. Il a dit, retourne chez toi, Yanni, c'est entre toi et Allah. Elle a insisté, elle a dit, non, je veux que tu appliques sur moi la peine d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que j'ai commis l'adultère. Et le cheikh, il l'a repoussé encore une fois. Elle a insisté encore une troisième fois, il l'a renvoyé encore une fois. Elle a revenu une quatrième fois, encore une fois, elle a insisté. Alors à ce moment-là, il a fait appliquer sur elle la peine de l'islam, qui est la lapidation pour quelqu'un qui commet l'adultère. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Hein? Il y a eu de la pression de différents chefs d'autres régions de cet endroit-là qui ont commencé à mettre de la pression sur celui qui avait offert son support au cheikh pour qu'il cesse de le supporter et pour qu'il le chasse. Hein? Parce que les gens commençaient à entendre des rumeurs et des choses que ah, ce cheikh il exagère, il commence à faire ci, il commence à faire ça. Donc, ils ont mis de la pression, ils ont dit, si tu ne cesses pas de supporter ce cheikh, on va te couper les subventions qu'on te donne. L'argent qu'on te donne régulièrement, on va cesser de te le donner. Donc, si tu ne le laisses pas partir, ou si tu ne le chasses pas. Donc, il est allé voir le cheikh, il s'est excusé, il a dit, on m'a forcé à te chasser, je ne peux plus te supporter. Donc, il est parti. Le cheikh, il est parti. Il lui a dit, si tu supportes la religion d'Allah et que tu défends la cause d'Allah, Allah, il va t'aider. Mets ta confiance en Allah. Mais il a pas eu le courage de le faire. Alors, le cheikh, il est parti vers une autre région. Et il a commencé à enseigner dans cette région-là. Et c'était la région où le dirigeant de cette région, c'était l'imam Ibn Saoud. Hein, l'Ibn Saoud, c'est la même famille qui dirige maintenant en Arabie Saoudite, mais c'était les ancêtres de ceux qui sont aujourd'hui. Et lui, quand il a entendu que le cheikh était venu, c'est sa femme qui est allée lui dire, on a entendu que tel cheikh, il est arrivé dans la ville. Va vers lui et invite-le. Hein, pour qu'il, parce que c'est un homme de bien, c'est quelqu'un qui appelle à la vérité, donc invite-le. Alors, lui-même, il est parti voir le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et, le cheikh, il a dit, explique-moi à quoi tu appelles. Et là, il lui a commencé à expliquer que je suis en train d'appeler au Coran et à la Sunna et à établir le tawhid et à rejeter les innovations et le shirk et les choses qui ont été introduites dans la Ummah qui sont contraires à l'islam. Alors, quand il a dit ça, alors il a accepté cette da'wah, puis il a commencé à offrir son support au cheikh, encore une fois. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, on a vu que la da'wah du tawhid, elle a eu de plus en plus d'ampleur dans cette région-là du monde, puis par la suite, jusqu'à aujourd'hui, ça continue à se propager, et donc on entend, alhamdoulilah, la da'wah du tawhid et la da'wah de la sunna, un peu partout dans le monde. Donc c'est ça. Il y en a déjà à notre époque qui ont essayé d'accuser la da'wah du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab d'être responsable ou d'avoir des liens avec qu'est-ce qui s'est passé dernièrement comme acte de terrorisme de la part de certains individus ou de certains groupes islamiques. Et il est important de comprendre et de savoir que la da'wah du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, elle est innocente de ces choses-là. Et que ceux qui ont commis ces actes de terrorisme ou ces choses-là, même si certains d'entre eux viennent effectivement de l'Arabie Saoudite, il faut savoir que les influences qui ont été, disons, à l'origine de ces actes-là, n'ont rien à voir avec la da'wah du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même, mais plutôt, elle a des liens étrangers à cette da'wah-là. Parce qu'il y a, on peut, si on retourne aux origines de cette de ces gens qui ont ces idéologies là, elle vient de d'autres individus et de d'autres mouvements qui se sont infiltrés en Arabie Saoudite depuis les derniers siècles. On aura l'occasion d'y revenir et de parler de ça en détail, mais inchallah, si vous voulez, je pourrais vous référer à des cours que j'ai donnés sur ce sujet-là déjà, comme par exemple la réfutation des néo-khawarij dans la section de réfutation des sectes dans mon site Salafi de Montréal. Donc si vous allez écouter ces cours-là, vous allez entendre les clarifications et les réfutations à ce sujet-là en détail, puis ça va vous aider donc à comprendre un peu plus. Pour l'instant, donc, on va se limiter à ça, puis on va, au fur et à mesure qu'on avancera dans le livre, là, on arrivera dans des passages qui ont des liens avec ce sujet-là, on aura l'occasion de donner plus de clarifications, inshallah, sur ce sujet. Ensuite, donc, le cheikh, il explique qu'il a plusieurs livres qu'il a écrits, le cheikh. Parmi les livres qu'il a écrits, il y a Kitab al-Tawhid, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a fait ce cours-là avec des frères, il y a de ça peut-être quelques années. On a fait le charh de Cheikh al-Fawzan de ce livre on a fait 154 cours de Kitab al-Tawhid. Il est dans le site Salafi de Montréal. Kitab al-Tawhid dans la section des Aqidah, mais je voulais juste vous montrer que ça c'est le livre en question. Kitab al-Tawhid. Hein? Donc, quand on le voit en apparence, on dit, comment un petit livre comme ça, qui a l'air vraiment, vraiment petit, comment pourrait-il renfermer autant d'explications et de clarifications pour qu'on fasse sur ce livre 154 cours. C'est parce que, et c'est comme ça l'islam, alhamdoulilah, c'est des informations, c'est des choses, parfois les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des paroles qui sont concises et courtes, mais qui renferment beaucoup de compréhension et beaucoup de clarifications et beaucoup de significations. Et en particulier, nous, à notre époque, on est tellement loin de la science, tellement loin de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on lit les versets, on lit les hadiths, mais on ne les comprend pas vraiment. Hein? Tandis que les sahaba, eux, ils les ont vécu ces versets-là, et ils ont vécu ces hadiths-là. Donc, tout le contexte de la révélation, ils l'ont connu et ils l'ont compris. Tandis que nous, aujourd'hui, on lit ces versets-là parfois, on n'a aucune idée du contexte et de la réalité de ce que ça peut signifier. Exactement. Donc ça, c'est les paroles de, si je ne me trompe pas, c'est Abdullah ibn Mas'ud, ou bien Abdullah ibn Mas'ud, c'est ça. Il disait, lorsqu'on apprenait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on apprenait le Coran, on ne dépassait jamais 10 versets, avant d'avoir appris avec la compréhension de ce verset-là et tout ce qu'il y avait comme règle et comme application dans ce verset-là. Puis il passait à 10 versets par la suite. Aujourd'hui, vous avez des écoles qui enseignent le Coran. En 3 ans, vous allez devenir Hafiz Coran. Mais vous n'allez rien comprendre de ce que ça signifie, qu'est-ce qui est écrit dans ce Coran. Donc c'est beau de savoir le réciter, mais ce n'est pas la méthode des Sahaba. Hein? Et là, ça s'arrête à le réciter, c'est tout. Il y a pas de compréhension avec. C'est pour cette raison-là que les sahaba, parfois, ils prenaient pour apprendre juste Al-Baqarah et Al-Imran, ils prenaient des fois 3 ans, juste pour apprendre ces deux sourates-là, et ils considéraient que le musulman qui avait mémorisé Al-Baqarah et Al-Imran, il était un savant parmi eux. Parce que c'était pas juste mémoriser les versets pour le réciter, c'était mémoriser et les comprendre et les appliquer et connaître tout ce qu'il y avait dedans. Hein? Et dans Al-Baqarah, il y a des règles et des règles. Si vous lisez juste le tafsir de, Ibn Kathir de Surat Al-Baqarah et Al-Imran, vous allez voir que ça fait un volume. Donc il y a beaucoup de science dans cette sourate. Non, ça touche à presque tous les domaines. Donc, c'est pour ça que ça fait partie des exemples. C'est pour ça que vous avez un petit livre comme ça et que le cheikh Al-Fawzan, il a expliqué, ça devient un gros volume, puis qu'on a expliqué le livre en 154 cours. Donc, dans ce petit livre-là, il y a les 6 premiers chapitres qui expliquent les bases, des définitions de qu'est-ce que c'est le tawhid, qu'est-ce que c'est le shirk, puis tous les autres, il y a en tout 68 chapitres, et qui expliquent chacun différents aspects, il y a les différentes formes de shirk qui sont en opposition avec le tawhid, soit en opposition avec la base, ou bien avec certains aspects du tawhid, que si tu fais ces actions-là, ça va soit détruire ta foi complètement, ou bien ça va diminuer ta foi, attaquer ton tawhid d'une certaine façon. Donc ça c'est fondamental pour un musulman de le comprendre. Puis étant donné que c'était un peu long pour certaines personnes qui n'ont pas tout le temps la patience de faire des cours qui prennent beaucoup de temps comme ça, donc on avait pris 2 ans pour le faire avec les frères, on a décidé de faire un nouveau cours sur Kitab al-Tawhid qui est plus résumé. Et c'est environ, ça va être à peu près, on est rendu maintenant au cours 38 dans le cours, mais on a fait déjà presque la moitié. Donc ça veut dire qu'il va être un peu plus court que l'autre. Donc ceux qui ont moins de courage, disons, ou moins de patience à faire les 154 cours, eh bien ils vont pouvoir quand même profiter des compréhensions de ce qui est écrit dans les versets et dans les hadiths à ce sujet-là, s'ils veulent écouter ces cours-là. Usul al-Iman, c'est un autre livre du Cheikh aussi, qui parle des hadiths au sujet de la foi. Et Al-Usul al-Thalatha, c'est le livre qu'on va étudier, Inch'Allah. Mukhtasar Zad al-Ma'ad, c'est un résumé d'un livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. C'est un mélange de fiqh et de sirah aussi, il y a un petit peu de tout dedans. Et Mukhtasar al-Insaf, si je ne me trompe pas, Al-Insaf, je pense que c'est un livre sur le fiqh, mais je ne suis pas certain. Wallahu a'lam, je ne l'ai jamais vu celui-là. Et il y a Kashf al-Shubuhat, ça c'est un livre qui réfute certaines des faux arguments des mushrikins, c'est-à-dire des gens qui adorent les tombes à notre époque, ou bien qui pratiquent le shirk et qui passent par les saints comme des intermédiaires pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc il répond à leurs arguments dans ce livre-là qui s'appelle Kashf al-Shubuhat, et on a fait aussi le charh de ce livre-là, je pense, en 16 cours. Et c'est un livre aussi très intéressant, très important, surtout à notre époque. Le cheikh il dit ensuite « وَمَا تَرَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ أَلْفَ وَمِيَتَيْنَ وَسِتَّةِ عَنْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَةِ قَضَاهَا فِي مَيْدَانِ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ وَالدَّعْوَةِ فَرَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً وَأَجْزَلَ لَهُ الْأَجْرُ وَالْمَثُوبَةِ إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le cheikh il mentionne qu'il est décédé en l'an 1206 de la Hijra. Je pense, si je ne me trompe pas, que ça équivaut à peu près à l'an 1800 de la Hijra, de l'ère chrétienne. Yani un peu à peu près, moi je me réfère toujours à cette époque-là, 1800, parce que c'est la date où Napoléon est rentré en Égypte. Donc c'est yani à chaque fois je me rappelle de cette date-là par rapport à ça. Yani Allah al-musta'an. Donc ça donne un exemple que le cheikh il est mort rahimahullah à l'époque où les puissances occidentales commençaient à rentrer dans les pays musulmans. Hein? Donc ça montre que à ce moment-là il y avait une certaine dégradation dans les pays musulmans à l'époque. Et quand le cheikh il est décédé, il avait 91 ans, rahimallah. Puis donc toute sa vie il a passé dans la science, dans la lutte, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la da'wah. Fa rahimahullah wa rahmatan wasi'a, que Allah lui fasse miséricorde, une grande miséricorde, et qu'il lui donne la récompense pour qu'est-ce qu'il a fait. Certes, il est audient et il exauce ceux qui lui demandent, et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons. Ensuite, le cheikh qui a fait le charh du livre, l'explication du livre qu'on va lire, c'est le cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. C'est un cheikh qui est vivant actuellement, qui vit dans le sud de l'Arabie Saoudite. Si je ne me trompe pas, c'est d'une région qui s'appelle Jazan. Je pense qu'il est dans la région qui s'appelle Jazan, c'est dans le sud de l'Arabie Saoudite. Et le cheikh, il a actuellement 75 ans. Il a vécu dans le sud, il a grandi là-bas et il a étudié là-bas avec différents chouyours, parmi les chouyours du sud de l'Arabie. Puis il a également étudié à un certain moment donné à Riyad aussi pendant un certain temps. Donc il est encore là-bas maintenant à Jazan et il donne des cours, il y en a souvent qui sont diffusés par internet, hein, et il a plusieurs livres aussi qui sont écrits sur l'islam. Il a fait beaucoup d'explications de livres des savants de l'islam qui sont disponibles sur son site internet. Dans mon site Salafi de Montréal, il y a les liens de certains sites que j'ai mentionnés comme référence. Et parmi les sites en arabe que j'ai mis, il y a le site de ce cheikh, le cheikh Zayd al-Madkhali. Donc, si vous rentrez dedans, vous pouvez télécharger ces cours en arabe si vous avez la connaissance de la langue arabe. Donc, maintenant qu'on a clarifié ce point, attends, je vois quelle heure il est. Maintenant, il est 8h25. Ouais, et la prière, c'est dans quelques minutes. Donc, je crois que c'est dans 10 minutes. On va juste commencer l'introduction, puis on continuera la semaine prochaine, inshallah. Le cheikh, il a divisé le livre en différents cours, parce que ce livre, à l'origine, le charh de Al-Usul al-Salata du cheikh, il est en fait basé sur des cours que le cheikh a donnés, qui ont été enregistrés, puis par la suite retranscrits. Donc à la base, c'était des cours qui ont été donnés, qui ont été retranscrits, puis ils ont été par la suite publiés. Et c'est pour ça que ils sont numérotés. Mais nous, on ne va pas se référer au cours, comme au numéro de cours que le cheikh a mentionné ou qu'il a donné en arabe, parce qu'on ne va pas être capable de suivre le même rythme que les cours en arabe, puisqu'on est obligé de traduire. Donc, la traduction, ça fait que ça prend plus de temps pour dire la même chose que qu'est-ce que le cheikh a dit. Donc, on va se fier à un autre numérotage, si on veut, pour, par rapport au nombre de cours qu'on va faire, inshallah. Et à chaque cours, je vais mentionner à quel numéro on est rendu. Comme ça, vous pouvez suivre plus facilement. Puis, je vais vous encourager de prendre une bonne habitude, inshallah, c'est d'essayer de venir avec un stylo puis un cahier pour prendre des notes. Parce que ça va vous aider à garder les informations importantes et à les prendre en note. Parce que des fois, on pense qu'on mémorise tout puis qu'on va pas oublier, mais parfois on oublie. Des choses qui sont assez importantes, on les oublie, elles nous échappent. Donc si on a un cahier avec des notes, ben au moins quand on veut se rappeler de quelque chose, on a juste à retourner à ces notes-là, puis il y en a pour se rappeler plus facilement. Puis, si jamais il y a un des frères qui désire avoir une copie du livre en arabe qui est capable de suivre avec l'original, eh bien, il n'y a pas de problème, je vais lui faire une photocopie du livre, Inch'Allah, pour qu'il puisse suivre le texte. Sinon, je vais faire des photocopies, comme j'avais dit, du matin. D'accord? Donc, on commence. Le cheikh dit « Bismillahirrahmanirrahim ». Ça, c'est les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc, j'ai toujours mentionner les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, puis les paroles du Cheikh qui fait le charh ou l'explication de ces paroles-là. D'accord? Donc, le Cheikh, il dit, Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est l'introduction. Donc, le Cheikh Zayd, Cheikh Zayd al-Madkhali, il explique maintenant cette al-Basmala. Donc, chaque fois qu'un Cheikh, il commence un livre, le livre, il commence par Bismillahirrahmanirrahim. Les ulama, ils ont l'habitude d'expliquer qu'est-ce que ça signifie Bismillahirrahmanirrahim, même si on pense que parfois c'est très simple ou c'est compris par tout le monde, mais les ulama, ils donnent toujours un rappel à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa attaba'a hudahu. Amma ba'd, fa inna hadha al-kitab al-musamma bi thalathati al-usul min khayri al-kutub fi al-aqidati lil-muslimin 'umuman wa li tullab al-'ilm khususan, yastawi fi al-hajati ilayhi al-mubtadi' wal-mutawassi' fi al-'ilm. Donc le cheikh il commence en disant louange à Allah subhanahu wa ta'ala et paix et salut sur notre prophète, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur son messager et sur ses proches et sur ses compagnons et tous ceux qui ont été son allié et qui a suivi sa guidance. Ensuite, ce livre qu'on va étudier, il s'intitule Thalathatul Usul ou bien Al-Usul al-Thalath, c'est-à-dire les trois fondements. Et ça fait partie des meilleurs livres qui ont été écrits sur l'aqidah pour les musulmans en général et pour les étudiants en sciences islamiques de façon plus particulière. Et tout le monde a besoin de ce livre ou de la science qui est dans ce livre-là. Peu importe qui ils sont, même si ce sont des débutants dans l'apprentissage de l'islam ou que ce soit des gens qui sont très avancés dans la religion, tout le monde a besoin des informations et de la connaissance qui est dans ce livre-là. ومعنى ذلك أنه لا يستغني عما حواه أحد من طلبة العلم بل ولا أحد من المسلمين المكلفين فهو جدير بالحفظ وفهم المعنى وجدير أيضا بالمعلمين والمربين لا سيما وعليكم السلام ورحمة الله لا سيما في مسائل الاعتقاد أن يكون البدء به في معرفة عقيدة الإسلام قبل أي كتاب آخر يبتدأ به ثم القواعد الأربع ثم كشف الشبهات وكتاب التوحيد ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية ثم الطحاوية وهكذا كتب السنة بعد ذلك التي هي ضمن السنن أو كتب السنة التي صنفت على انفراد وهذا إن شاء الله تعالى من طالت به الحياة وهو يطلب العلم فسيجد هذه الكتب أمامه في المستقبل بحول الله وقوته. Donc le cheikh il commence en expliquant que qu'est-ce qu'on veut dire par qu'est-ce qu'on a dit comme introduction au sujet de l'importance de ce livre et que tout le monde en a besoin, c'est que les connaissances qui sont dedans, personne ne peut s'en passer, même si c'est quelqu'un qui est avancé dans la science ou qui recherche la connaissance de l'islam. Et toute personne qui est mukallaf, il en a besoin. Et qu'est-ce que ça veut dire mukallaf? Ça veut dire quelqu'un qui est musulman et qui a atteint l'âge de puberté et qui devient responsable. À partir de l'âge de la puberté, et qui, quelqu'un qui a sa raison, il devient responsable islamiquement de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, et il aura des comptes à rendre au jour de la résurrection pour ce qu'il fait et pour ce qu'il dit, et c'est à cet âge-là que les obligations deviennent obligatoires. Avant ça, ce n'est pas obligatoire, mais à partir de cet âge-là, c'est obligatoire. peut-être par rapport à la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les gens à imposer à leurs enfants de commencer à faire la prière à partir de l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, il a dit, s'ils ne faites pas la prière à l'âge de 10 ans, frappez-les, pour les habituer. Mais malgré qu'ils ne sont pas encore mukallaf, ils ne sont pas encore responsables. Mais à partir de, par la suite, lorsqu'ils atteignent la puberté, là c'est là que c'est obligatoire pour eux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh? Il dit donc que tout musulman donc qui est mukallaf, il doit connaître qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là. Et donc c'est très important pour quelqu'un s'il veut essayer de le mémoriser, ce livre-là, parce qu'il y a plein de preuves dedans du Coran et de la Sunna, et qu'il d'essayer d'apprendre ça, de comprendre sa signification. Donc ça c'est très important. De même que pour les éducateurs et les enseignants, en particulier dans les questions de croyance, c'est bien de commencer par ce livre-là pour apprendre la croyance de l'islam avant tout autre livre par lequel on pourrait commencer, parce que c'est un livre qui est simple et qui est résumé et qui contient les informations de base de l'islam. Bien entendu, il y a d'autres livres aussi qui ont été écrits par d'autres savants qui peuvent être utilisés pour apprendre ou pour enseigner les bases de l'islam. Donc, si le livre que tu vas étudier est basé sur les bases de l'islam et sur la bonne croyance, Ahlus Sunnah wal Jama'a, et la compréhension des salafs, de l'islam, dans ce cas-là, tu peux le prendre comme une base et comme une référence pour étudier. Mais ce livre-là fait partie des livres de référence, qui sont un livre connu, reconnu et comme étant une source authentique de compréhension et de connaissance de l'islam. Ensuite, le cheikh, il dit donc, après avoir étudié ce livre-là, il y a d'autres niveaux par la suite. Parce que la science, on dit que la science, on ne peut pas la prendre d'un seul coup. Hein? Et si tu veux commencer par des livres trop avancés, pour commencer, ce ne sera pas bénéfique. Tu commences par qu'est-ce qui est plus simple, puis tu graduellement tu avances et tu montes dans les livres de science. Donc après celui-là, il y a Al-Qawa'id al-Arba'a, les quatre principes. Après, il y a Kashf al-Shubuhat. Après, il y a Kitab al-Tawhid, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, il y a Al-Aqidat al-Wasitiya. Ça, c'est des livres qui expliquent les principes de la croyance du Tawhid et de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, il y a des livres encore plus avancés, comme les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Hamawiyyah et Al-Tadmuriyyah, et le livre de l'imam al-Tahawi, un des imams des salafs qu'on appelle Al-Aqidat al-Tahawiyyah. Tout ça, c'est des livres qui parlent de la croyance islamique. Et c'est des degrés. One minute. Tayyib, inshallah. Donc, ça fait partie des exemples de livres qui sont des bases dans l'apprentissage de la croyance islamique. Puis ensuite, il y a les livres de la Sunna. Parmi les Sunan, comme Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Dawud et Sunan al-Tirmidhi. Dans ces livres-là, il y a un chapitre qui s'appelle Kitab al-Sunna. Et dedans, il y a les principes d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Puis il y a des livres qui ont été écrits individuellement, c'est-à-dire à part, qui clarifie aussi les principes de la Sunna. Parmi les livres de, comme par exemple, As-Sunna de l'imam Ahmad, As-Sunna de Al-Barbahari et d'autres imams. Ces livres-là, celui qui avance dans l'étude de la science, il va les trouver dans son chemin au cours de la quête qu'il fait de la science. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah. Puis, au prochain cours, bi'ivnillah, on continuera à partir de ce moment-là. À partir de cet endroit-là, l'explication de al-basmala, c'est-à-dire bismillah ar-rahman ar-rahim, qu'est-ce que ça signifie. Donc subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.